D'accord, c'est bon. Bon, alors attends. Vous m'entendez bien, hein? Ouais, ouais, ça va. Donc je vais aller dans les chiottes avec Gérard et on va discuter un peu. Bah ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils ont mis un gifle là. Bah, c'est un mec de pizza, il vient, il se balance un peu sur la gueule. Carrément. Bon, ça va, ouais, c'est que de la crème, c'est bon, ça s'en va. Eh, c'est grave, hein? Moi maintenant c'est terminé. Là, tu veux quoi? Qu'il n'y ait plus personne devant la radio, devant non, la chaîne? Il y a Nicolas Tuto, c'est-à-dire pour moi je vais prévenir les mecs de la sécurité pour. Tiens, vas-y, c'est bon, c'est bon. Dépose-toi déjà, arrête à chaud. Non. Ah, mais d'abord, essuie d'abord sur la gare avec ça. Mais non, voilà. Tu vas te brûler la gueule. Attends. Dépose-toi là, vas-y. Bon, c'est rien, c'est que de la crème, c'est pas une catastrophe, ça va. Ah, mais attends. Attends, moi je me suis déjà fait en tartré devant la radio. Hein. Ouais, mais attends, C'est normal, c'est populaire. Non, ouais, je me démerde pour ce week-end, pour aller chez le coiffeur et tout. En plus, Qui? Donc là, Max est avec Gérard dans les toilettes. Qu'est-ce que ça fait? Et nous, on a mis un disque, hein, bien sûr. Gérard vient de se faire entartrer devant la radio. Hein. C'est pas beau à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc t'es venu par la radio, le mec il t'en partait. Normal, si vous entendez mal, c'est importable. Hein. Bon alors, on fait un coup. Eh, dis donc, beau gosse. T'es costaud, mon salaud, toi. Gérard, t'en sonner. La gym. Quoi? C'est des abdos. Ça va, t'es correct, hein. Qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ta nana, là? Pourquoi tu fais pas une autre place, hein? Donc là ils sont toujours aux toilettes, Max et Gérard. Allô? Oui. On reprend l'antenne ou pas là? Ouais, bientôt, dans 20 secondes. Dans 20 secondes, ok. Bah tu me dis, hein. Ouais, bah je te fais le décompte, t'inquiète. D'accord. Ça va Gérard? Ça va là? Allô? Ouais. Bon, ok. Bon, bah pour l'entartrage, moi de toute façon, avec les photos que j'ai faites, je vais en parler à Axel. Et voilà quoi. Non, on va les remercier, ouais. C'est bientôt la fin du disque, hein. Ah oui, bah. On est en direct. On est en direct, c'est reparti. C'est reparti. Donc avec Gérard. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Max? Bah, je sais pas. Pour l'instant, il veut pas trop raconter. Il préfère rester discret sur ce qui s'est passé. Apparemment, bah c'est normal. Avec la popularité qu'il a, il s'est fait entarter, quoi. Entarté. Pardon, excusez-moi. Comme dit Tarkan sur le Minitel. S'est fait entarter. Ouais, ok. Mais je m'en fous. Je suis en direct, Gérard. Enfin, je rigole, je plaisante Gérard, allez viens, on est en direct. Viens Gérard, viens. Ou entartré, je sais pas. Entarté. Alors si c'est entarté ou entartré, dites-le nous parce qu'on entarté. A un entartré, c'est du tartre. Parce qu'on est dans entarté, bah oui, c'est de la entarté. Tarte sur la gueule. On y va quand, Fildar? On est bientôt sur l'antenne ou pas? Ouais, dans 10 secondes. Non mais par contre... En direct? Toujours. Ouais. Ok, donc, j'arrive. D'accord. Gérard a changé de t-shirt, non? Ouais. Il est propre? Ouais. Ah, est-ce que c'était de la peinture ou de la crème fouettée, je sais pas. Bah lui il dit que c'était de la crème, mais bon, je suis pas persuadé du résultat, mais bon, voilà quoi. Parce que généralement le belge... J'arrive là, je suis dans le couloir. D'accord, il utilisait pas la peinture, hein, il utilisait bien la crème chantilly. Ouais, tout à fait. Par contre, il devrait en profiter pour prendre une douche, Gérard, quand même. Non, les fermer à clé. Pour une fois, non, mais il pourrait prendre sa douche, quoi. Là, je suis avec Gérard, mais pour l'instant, il est un petit peu... Bah, il est torse nu, là. Bah, c'est l'émotion. Oh là là. Il est torse nu, là. Ouais. Tu veux qu'on ait même une bombe de... Ouais, bah là j'arrive, je suis bientôt dans le... Un déo. Mais hein, t'es où là dans le couloir parce que... Là je suis dans le couloir, là j'arrive. Mais il fait combien de mètres le couloir là? Parce qu'on ne voit pas l'arrivée là. C'est normal, attends, il attend Gérard. Ouais. Ah bon. Voilà. Moi je suis un peu derrière toi, mais depuis tout à l'heure, mais c'est pas là. Voilà, donc pour expliquer aux auditeurs, comme je suis à 100 fils, je suis à 30 mètres, je suis à 1 mètre de fil derrière. C'est pour ça que je t'entendais bien alors. Et je lui parle et j'ai l'impression que je suis à 10 km. On entend bien là, hein. Ah ouais, c'est bien là. Ça va me donner des idées, tiens. C'était un peu mieux que dans les toilettes, parce qu'en les toilettes, on avait du mal à t'entendre. Ouais, mais... C'est normal, parce que l'autre, il voulait pas trop raconter, il se méfiait quand même. Ah, d'accord. C'est un loulou, quand même. Ah, d'accord. Voilà, bon, bah... Enfin, ceci dit, je sais pas ce qu'il a pris dans la gueule, mais il a pris grave, hein, la crème, là. Donc ce soir, ça va être chaud, il faudra être calme. Alors, ça donnait ceci. Alors, si ça part...